Pour tous ces crimes, votre peine sera l'exil à vie, sans possibilité de retour, dans la colonie pénitentiaire stygienne de l'univers de Hadès. Que Dieu ait pitié de vous. Putain, à peine levé, que la police est sur ma porte, j'allais partir pour mon taf. Si ces portes viennent me soulever, d'après eux, y'a une poucave qui m'a donné. De toute façon, je vais demander les rapports, pour va falloir qu'on se décide. J'ai la bouche clouée, le sang froid, et en plus, j'ai rien à perdre. Je sais que la balance m'a coulé, c'est entre mon zinc et des types. Putain, c'est sale flic. On fait parler un tel, un futur coulé. Je suis au courant de rien, donc je vais au mandat de dépôt. Nouvelle cellule, ou plutôt un nouveau ghetto. Et ce bâtard libre, fais de l'oseille, respire, se fait passer pour un graille, mais grave du pédo. Pouka, les petites putes réalisent, c'est bonhomme idéalise, c'est bon, c'est des balises. Pouka, mais pas du shit dans la valise, soit disant t'es pile balise, c'est chien, il réalise. Pouka, y'a pas de ça dans le ghetto, des profs dans les deux des squats dans le métro. Pouka, ça à chacun ses bêtises, soit esquiver la perquise, les gens qui te méprisent. J'arrive à Paris à santé, pacta sur le dos, cellule. T'arrivons maintenant les jours, je dois les compter. J'ai des nerfs, pas une thune sur mon pécule. Les potos qui niquent leur mère, les bâtards m'ont vite saper. Au bout de moi, j'ai mon premier paru. Les putes, je les ai pas revus, mais la tôle, c'est mon quartier. On enchaîne, bagarre, tarmi, pas grave, je termine. De toute façon, j'ai un stylo à cahier, le temps passe comme tout. Ça y est, je deviens fou. Des types se lâchent en descendant sur interview. Des langues pendues me promettent la lune. Des gens vendus, des types que j'encule. J'étais bien dans mon coin, guerrier de l'Est, futur plante exotique, la crème du vin moins un. Aimé chez les grands voyous, respecté chez les bambins. Pouka, les petites putes réalisent, c'est bonhomme idéalise, c'est bon, c'est des balises. Pouka, mais pas du shit dans la valise, soit disant t'es pile balise, c'est chien, il réalise. Pouka, y'a pas de ça dans le ghetto, des profs dans les deux des squats dans le métro. Pouka, ça à chacun ses bêtises, soit esquiver la perquise, les gens qui te méprisent. Sache qu'une donneuse peut donner tout le monde et son excuse, on la connaît. Si ce mec n'était pas mon pote, petite salope qui aime bien jouer la nerveuse, sa seule fierté est dans sa bouche. Mais les vrais coups sont dans le front, hey yo, plus de yo, vas-y clic clic bang bang, ça poussait yo. Et en forme une clic ding ding, gage bras, crappé, à la fin c'est gage bras, permis, par leur kéblo, promenade, touche, télévision, à suivre la guerre de Satan et de ce fils de pute du George Bush. Pendant que les bâtards sont libres, toi tu te bats dans la course, si. Mets des droites dans les bouches. Pouka, les petites putes réalisent, c'est bonhomme idéalise, c'est bon, c'est des valises. Pouka, mets pas du shit dans la valise, soit disant t'es pile balise, c'est génial.